Se alimani mwanama uchiduwaza dans ta casa. Les mains écoutées. Demande à la femme qui connaît la valeur de son hymen. Imagine alors où ça mène, les MLI mène. C'est une star, ok l'ami. Démunis pourtant acclamé. Qui vous fait danser les gamines. Peut-être ma si bonne compagnie. Cherchez la faille, j'ai la manière, la manie. Le cas des amines. Et nous on fait comment de l'Algérie jusqu'à la Corse aux Comores. Comment j'ai une infomane. Et si tu cherchais à découvrir le vrai phénomène. Écoute, mes types et moi n'avons jamais trop fait l'aumône. Et alors, j'ai la consorte de la galère. Si alors, que nous retournons tes haut-parleurs. Tu as capté, geste. Si la mélodie inspire, Aliman en sont les experts. Apprécie de cette vie, nous sommes à la merci. Poésie, alors je dis à la merci. On vient de parler d'amour, d'unité, laisse-toi aller. Que les élus s'allient. Donne du respect, en décoder, apprécier. On vient de parler d'amour, d'unité. Nos cœurs et nos amis illuminés d'humanité. C'est le star Aliman. On reste épanoui et doué, elles disent ouh. Loin des Serra, de la Savine jusqu'à Andou. Inch'Allah, qu'on sera tous en place, on essaiera. Air Max sous le candou. L'inspiration reste pure de la triche d'homme sans doute. Qu'on se donne sans dette, c'est la mer, j'dis Hamdou. Hamdou, vu qu'on tient le coup, vu que Dounia crame tout ce qu'il y a d'humain. Loin des fils de Paliman, on t'alimente. Lève tes mains, nos tes mains, c'est un hold up, chicodo. Esprit sale sous une sale coupe, Komodo. Simple smoker de sale, ma bureau club. Ex mal barré, cramé, blâmé par les sales copes. Il faut que tu comprennes, même sous P.O.P.O. Comme chaque alien devant le scope, tu sais quoi, je rêve des POP. Yeah, on vient de parler d'amour, d'unité, laisse-toi aller. Que les élus s'allient. Donne du respect, en décoder, apprécier. On vient de parler d'amour, d'unité. Nos cœurs et nos âmes illuminés d'humanité. C'est le star Aliman. On reste épanoui et doué, elles disent ouh. J'aimerais te parler plus d'amour, mais je ressens la haine qui se profile. Y'a que du vice autour et des fachos pédophiles. Les gens deviennent mauvais comme de la morphine. Mais Aliman débarque, bienvenue à Namorville. Ici les jeunes entre la ville à Morphile. Après normal que je me demande ailleurs Pops file. Les frères tombent dans le piège, deviennent des tox deal. Putain ils font pire dans nos rues que John et Knoxville. Le ghetto centre tu pour de la coque fine. Des cœurs s'arrêtent à jamais, ils ont tapé trop de lignes. Dans tous les blocs j'entends des microphones fines. Je représente le staff pendant que Marocco me filme. Les chefs d'état continuent, le mal s'obstine. Les frangines remuent sur mes prods Dallas Austin. For my gringos, ma pub saigne bronze skin. On voit un autre style, l'homme évolue en milieu hostile. On vient de parler d'amour, d'unité, laisse-toi aller. Que les élus s'allient. Donne du respect, en décoder, apprécier. On vient de parler d'amour, d'unité. Nos cœurs et nos amis illuminés d'humanité. C'est le star Aliman. On reste épanoui et doué, elles disent ouh. Et dit aux partenaires ce que les ralingues abandonnèrent. Car cette vie nous met à bas les nerfs. Si les mots détonnèrent, rejoins Aliman loin des éclairs du tonnerre. On donne le meilleur pour nos techniques de flow. Apprends que la lueur de l'imperturbe le faut. Que chaque jour nouveau il faut qu'on vise le haut. Alhamdulillah et que l'amour soit pour tous un îlot. Alimani. We'll be right back.